Tani na funguli miso na ngai nazali na pema na pomoi na pesi nkemboi na yomo bateli na ngai bobongi na yango na gumba melio na sanjolio bobongi na yango ekolo Par la création, quand je contemple, je te vois partout que j'aille. Mon keli abike la mounion soa wanase. Oye mon anaka, pesangi comme mon ana. Ozanzambe, ozanzambe. Nyangonga na yembi. Na yoroku ata nzoto yawe na komi osimbango akongo e Expression du corps envers son créateur. Ah ouais.